le lendemain. Heureusement, pour la gloire de Julien, Madame de Rênal avait été trop agitée, trop étonnée pour apercevoir la sottise de l'homme qui, en un moment, était devenu tout au monde pour elle. Comme elle l'engageait à se retirer, voyant poindre le jour, « Oh mon Dieu !» disait-elle, « si mon mari a entendu du bruit, je suis perdue. » Julien, qui avait le temps de faire des phrases, se souvint de celle-ci. « Regretteriez-vous la vie ?»« Ah ! Beaucoup dans ce moment, mais je ne regretterai pas de vous avoir connu. » L'attention continue avec laquelle il étudiait ses moindres actions, dans la folle idée de paraître un homme d'expérience, n'eut qu'un avantage. Lorsqu'il revit Madame de Rênal à déjeuner, sa conduite fut un chef-d'œuvre de prudence. Pour elle, elle ne pouvait le regarder sans rougir jusqu'aux yeux, et ne pouvait vivre un instant sans le regarder. Julien ne leva qu'une seule fois les yeux sur elle. Au déjeuner, ce mari ne s'était aperçu de rien. Il n'en était pas de même pour Madame d'Erville. Elle crut Madame de Rênal sur le point de succomber. Madame de Rênal brûlait de se trouver seule avec Julien. Elle voulait lui demander s'il l'aimait encore. Le soir, au jardin, Madame d'Erville arrangea si bien les choses qu'elle se trouva placée entre Madame de Rênal et Julien. Madame de Rênal quitta le jardin de bonne heure et alla s'établir dans sa chambre. Mais ne tenant pas à son impatience, elle vint coller son oreille contre la porte de Julien. Malgré l'incertitude et la passion qui la dévoraient, elle n'osa point entrer. Cette action lui semblait la dernière des bassesses, car elle sert de texte à un dicton de province. 2 heures d'attente durent 2 siècles de tourments. Comme 1 heure sonnait, il s'échappa doucement de sa chambre, s'assura que le maître de la maison était profondément endormi et parut chez Madame de Rênal. Ce jour-là, il trouva plus de bonheur auprès de son ami, car il songea moins constamment au rôle à jouer. Il eut des yeux pour voir et des oreilles pour entendre. Ce que Madame de Rênal lui dit de son âge contribua à lui donner quelque assurance. « Hélas, j'ai 10 ans de plus que vous. Comment pouvez-vous m'aimer ?» lui répétait-elle sans projet et parce que cette idée l'opprimait. Julien ne concevait pas ce malheur, mais il vit qu'il était réel et il oublia presque toute sa peur d'être ridicule. La sotte idée d'être regardé comme un amant subalterne, à cause de sa naissance obscure, disparut aussi. Heureusement, il n'eut presque pas, ce jour-là, cet air emprunté qui avait fait du rendez-vous de la veille une victoire, mais non pas un plaisir. En peu de jours, Julien, rendu à toute l'ardeur de son âge, fut éperdument amoureux. « Il faut convenir, se disait-il, qu'elle a une bonté d'âme angélique, et l'on n'est pas plus joli. » Elle osa l'interroger sur le portrait auquel il mettait tant d'intérêt. Julien lui jura que c'était celui d'un homme. Quand il restait à Madame de Rênal assez de sang-froid pour réfléchir, elle ne revenait pas de son étonnement qu'un tel bonheur existât, et que jamais elle ne s'en fût doutée. Julien était fort éloigné de ses pensées. Son amour était encore de l'ambition. C'était la joie de posséder, lui, pauvre être malheureux et si méprisé, une femme aussi noble et aussi belle. « J'aurais pu épouser un tel homme, » pensait quelquefois Madame de Rênal. « Quelle âme de feu! Quelle vie ravissante avec lui !» Pour Julien, jamais il ne s'était trouvé aussi près de ces terribles instruments de l'artillerie féminine. « Il est impossible, se disait-il, qu'à Paris on ait quelque chose de plus beau. » Alors il ne trouvait point d'objection à son bonheur. Il y eut des moments où, malgré ses habitudes d'hypocrisie, il trouvait une douceur extrême à avouer à cette grande dame qu'il admirait son ignorance d'une foule de petits usages. Le rang de sa maîtresse semblait l'élever au-dessus de lui-même. Quant à Madame d'Erville, elle était bien loin d'avoir exprimé les mêmes sentiments. Désespérée de ce qu'elle croyait deviner, elle quitta Vergy sans donner une explication qu'on se garda de lui demander. Madame de Rênal en versa quelques larmes, et bientôt il lui sembla que sa félicité redoublait. Par ce départ, elle se trouvait presque toute la journée tête à tête avec son amant. Dans les premiers jours de cette vie nouvelle, Il y eut des moments où lui, qui n'avait jamais aimé, qui n'avait jamais été aimé de personne, trouvait un si délicieux plaisir à être sincère qu'il était sur le point d'avouer à Madame de Rênal l'ambition qui, jusqu'alors, avait été l'essence même de son existence. Il eût voulu pouvoir la consulter sur l'étrange tentation que lui donnait la proposition de Fouquet, mais un petit événement empêcha toute franchise. Un soir, au couchant du soleil, assis auprès de son ami, au fond du verger, loin des importuns, il rêvait profondément. Des moments si doux, pensait-il, dureront-ils toujours ? Ah ! S'écria-t-il, que Napoléon était bien l'homme envoyé de Dieu pour les jeunes Français, qui le remplacera ? Il vit tout à coup Madame de Rênal froncer le sourcil, elle prit un air froid et dédaigneux. Ce froncement de sourcil le rappela sur la terre. Il eut assez de présence d'esprit pour arranger sa phrase. C'était le raisonnement des impies. Ce froncement de sourcil, ou plutôt le remords de son imprudence, fut le premier échec porté à l'illusion qui entraînait Julien. Il se dit « Elle est bonne et douce, son goût pour moi est vif, mais elle a été élevée dans le camp ennemi. Que deviendront-ils ces nobles s'il nous était donné de les combattre à armes égales ?» Le bonheur de Julien fut ce jour-là sur le point de devenir durable. Il manqua à notre héros d'oser d'être sincère. Julien n'osa plus rêver avec abandon. Plus calme et moins amoureux, il trouva qu'il était imprudent d'aller voir Madame de Rênal dans sa chambre. Il valait mieux qu'elle vînt chez lui. Si un domestique l'apercevait courant dans la maison, 20 prétextes différents pouvaient expliquer cette démarche. Cette éducation de l'amour, donnée par une femme extrêmement ignorante, fut un bonheur. Julien arriva directement à voir la société telle qu'elle est aujourd'hui. À son inexprimable joie, un voile tomba devant ses yeux. Il comprit enfin les choses qui se passaient à Verrières. Sur le premier plan parurent des intrigues très compliquées, ourdies depuis 2 ans auprès du préfet de Besançon. Elles étaient appuyées par des lettres venues de Paris et écrites par ce qu'il y a de plus illustre. Il s'agissait de faire de M. de Moirod, c'était l'homme le plus dévot du pays, le premier et non pas le second adjoint du maire de Verrières. Il avait pour concurrent un fabricant fort riche qu'il fallait absolument refouler à la place de second adjoint. Julien comprit enfin les demi-mots qu'il avait surpris quand la haute société du pays venait dîner chez M. de Rênal. Cette société privilégiée était profondément occupée de ce choix du premier adjoint. Malgré la haute piété et la probité reconnue de M. de Moirod, on était sûr qu'il serait coulant, car il avait beaucoup d'enfants. Aux yeux de Julien, cette intrigue était bien plus importante que l'histoire de la bataille de Fontenoy, dont il voyait le nom pour la première fois dans un des livres que Fouquet lui avait envoyé. Il y avait des choses qui étonnaient Julien depuis 5 ans qu'il avait commencé à aller les soirs chez le curé. Mais la discrétion et l'humilité d'esprit étaient les premières qualités d'un élève en théologie. Il lui avait toujours été impossible de faire des questions. Un jour, Madame de Rênal donnait un ordre au valet de chambre de son mari, l'ennemi de Julien. « Mais, madame, c'est aujourd'hui le dernier vendredi du mois, » répondit cet homme d'un air singulier. « Allez, » dit Madame de Rênal. « Eh bien, » dit Julien, « il va se rendre dans ce magasin à foin, église autrefois, et récemment rendu au culte. Mais pourquoi faire ?»« C'est une institution fort salutaire, mais bien singulière, » répondit Madame de Rênal. « Tout ce que j'en sais, c'est que tout le monde s'y tutoie. Par exemple, ce domestique va y trouver M. Valneau, et cet homme si fier et si sot ne sera point fâché de s'entendre tutoyer par Saint-Jean, et lui répondra sur le même ton. » Le temps volait. Le souvenir des charmes de sa maîtresse distrayait Julien de sa noire ambition. La nécessité de ne pas lui parler des choses tristes et raisonnables, puisqu'ils étaient de partis contraires, ajoutait, sans qu'il s'en doutât, au bonheur qu'il lui devait et à l'empire qu'elle acquérait sur lui. Au milieu du récit de quelques friponneries savantes, à l'occasion d'un chemin ou d'une fourniture, l'esprit de Madame de Rênal s'égarait tout à coup jusqu'au délire. Julien avait besoin de la gronder. Elle se permettait avec lui les mêmes gestes intimes qu'avec ses enfants. C'est qu'il y avait des jours où elle avait l'illusion de l'aimer comme son enfant. Sans cesse n'avait-elle pas à répondre à ces questions naïves sur mille choses simples qu'un enfant bien-né n'ignore pas à 15 ans? Un instant après, elle l'admirait comme son maître. « Vivrai-je assez pour te voir dans ta gloire ?» disait-elle à Julien. « La place est faite pour un grand homme. La monarchie, la religion en ont besoin. »